Vous nous avez demandé un corps et un cri, vous avez même sacrifié des poulets pour ça. Alors qu'on vous annonce le retour des classes, le dossier sur les classes, et cette fois-ci, bah, c'est Circle qui s'y colle avec le chasseur. Voilà, bah, je vais faire le chasseur, puisque, entre autres, parmi les demandes qu'on a eues, bah, il a été cité le chasseur. Donc, bah, on va commencer par cette classe. Donc, le chasseur, bah, c'est la classe, on va dire, quasiment unique que personnellement je joue depuis le début de World of Warcraft. Non, bah, on va essayer de, je vais essayer de vous expliquer de quelques manières différentes le chasseur. Ce qu'il est en fait dans le jeu, quelle est son utilité et les avantages et les inconvénients que vous aurez en utilisant cette classe. Je vais m'adresser au début donc pour ceux qui voudraient faire chasseur par exemple et qui aimeraient en connaître un peu plus sur cette classe. Donc le chasseur. Alors je vais vous faire une petite introduction par rapport à la partie historique on va dire du chasseur, par rapport aux descriptions de base de cette classe. Alors il faut savoir que si vous voulez faire chasseur, vous ne pourrez le faire que sur certaines races. Donc les races qui disposent de la classe chasseur sont le Draenei, les Draenei, les nains, les elfes de la nuit, les elfes de sang, les orques, les tauren et les trolls. Donc ça se verra certainement modifié avec l'arrivée de Cataclysme, et ça a été modifié à BC, puisque avant on n'avait ni les Draenei ni les elfes de sang. Alors l'histoire, c'est que le chasseur, donc dès le départ, a été une classe assez prisée. Dès l'arrivée de World of Warcraft, puisque c'était une classe qui faisait mal, les gens voyaient peut-être plus ce côté tir à distance, un petit peu une relation avec les FPS. Je pense que ça peut être ça, ça peut être vu comme ça, comme description. Et c'est une classe qui était très intéressante, puisque c'était une classe principale qui avait donc un familier, et c'était un petit peu un intérêt supplémentaire. C'est une classe qui a eu vu pas mal de modifications tout au long de l'évolution de World of Warcraft, puisque c'est une classe qui a été un petit peu monotouche par période, qui a été peut-être dure à jouer en raid durant d'autres périodes, mais c'est une classe qui, on va dire, un petit peu subit pas mal de modifications. La première grosse modification en date, elle date de, je crois, septembre 2005. Puisque au patch 1.7, si je ne me trompe pas, d'ailleurs en parenthèse, c'est la même date que la sortie d'Ozulgurub, je crois. Puisque au patch 1.7, il a vu une énorme modification de pas mal de ses talents. Je vais pas tous vous les lister, je vous mettrai un lien sur le patch note 1.7 pour que vous voyez un petit peu les différences qui ont été apportées aux chasseurs si ça vous intéresse, mais qui n'a pas perdu, on va dire, de son charme. Donc pour l'histoire, la petite histoire, le chasseur a été une des seules classes, je dis parce qu'il y a d'autres classes qui ont eu la même chose, à avoir une quête épique très très importante au niveau 60 surtout, qu'on appelait bien entendu la quête épique Hunt ou chasseur, qui lui permettait d'avoir au final une arme à distance, plus un carquois, qui était de très très bons objets épiques, de qualité épique. Et pour ceux qui s'en souviennent, c'était très très, très très très très long à faire quand on n'était pas forcément accompagné. Mais c'était très important, je trouve, personnellement, pour se perfectionner au niveau du gameplay de son chasseur. Ensuite, par rapport justement au gameplay. Donc, le chasseur, c'est une classe qui vous permet d'apprendre dès le départ le type de gameplay, la façon de le jouer. Quelque chose qui ne changera pas forcément jusqu'au niveau maximum, puisque les techniques de base, la façon de le jouer, c'est-à-dire garder une cible à distance, gérer un petit peu ses recharges de sorts et ses sorts eux-mêmes avec son familier, tout ça, c'est quelque chose qui apparaît très vite lors de la phase de leveling et qui restera jusqu'à la fin. C'est-à-dire que la façon de jouer votre chasseur solo, vous aurez l'avantage de pouvoir l'apprendre assez rapidement et ensuite de garder l'aspect de base, puis ensuite le modifier suivant les modifications de la classe elle-même et par rapport aussi les modifications du terrain et des monstres contre lesquels vous vous battez. Mais en gros, c'est un avantage quand vous jouez, quand vous montrez un chasseur, essayez de vous entraîner dès le départ à jouer d'une façon unique, on va dire, et de garder et de perfectionner cette méthode, puisque ça ne change vraiment pas au niveau, par exemple, 80. Quand vous prenez un mob, il faut rester à distance, il faut faire certains coups, il faut faire ce qu'on appelle du kiting. Donc le kiting, c'est-à-dire un petit peu jouer au chat et à la souris avec la cible. Donc la garder à distance sans qu'elle vous touche, ou alors en tout cas pour qu'elle vous touche le moins possible. Et ça, c'est quelque chose qui rentre en compte très rapidement avec le chasseur. Donc je vais en venir, d'ailleurs, je vais en venir grâce à ça, on va dire à l'utilité du chasseur dans le PvE. Dans le PvE, le chasseur, donc comme je l'ai décrit, c'est une classe qui va fournir donc du dégât à distance, qui aura donc l'avantage de ne pas forcément se trouver tout de suite confronté à des dégâts liés aux monstres contre lesquels il se bat. Par contre, c'est une classe qui va avoir une unité qui avait, on va dire, plutôt pré-baissé et voire a baissé encore une utilité de crowd control, c'est-à-dire de contrôle de foule, assez développée, puisque lors des packs de, par exemple, quand vous êtes dans une instance à 5 et vous avez des packs de mobs où il y a 6 ou 7 mobs à tuer, le chasseur devient très intéressant parce qu'il peut poser des pièges, donc contrôler le monstre qui se trouve en face, l'empêcher de taper, etc. Il peut aussi très bien gérer plusieurs cibles, c'est-à-dire une fois qu'il a gelé un monstre, eh ben il peut prendre un autre monstre et lui faire ce qu'on appelle donc du kiting. Il peut ralentir les cibles. Il a pas mal de petites choses très intéressantes. Mais c'est vrai que c'est un avantage qui s'est un petit peu perdu, on va dire, avec l'extension Wrath of the Lich King. Vous en rendrez compte, où le chasseur devient plus une classe vraiment de simple DPS, c'est-à-dire faire du dégât, le faire bien. Actuellement, ça reste une des plus grosses classes de DPS. Je pense qu'un chasseur qui sait bien jouer sa classe et qui a un bon équipement se trouve de toute façon dans le top des DPS d'un raid ou d'une instance. Là, le chasseur a subi pas mal de modifications concernant ses AOE. Le chasseur dispose de deux AOE majeures, c'est-à-dire une AOE de dégâts au sol qui est le piège explosif, et de la salve. La salve, c'est en fait vous tirez sur une zone et des flèches donc tombent du ciel et ça fait donc des dégâts à toutes les cibles. C'est d'ailleurs un sort qui a été passablement et même considérablement amélioré avec le début de Wrath of the Lich King, puisqu'avant il était quasiment obsolète, ne faisait pas de dégâts et ensuite a fait beaucoup de dégâts après son up. Sinon, par rapport aux trois spécialisations, donc les spécialisations qui vont être les plus viables en raid restent la spécialisation précision et la survie, puisque vous pouvez donc garder un cycle de DPS et un dégâts par seconde, ce qu'on appelle un DPS constant pendant quasiment toute la durée du combat. Tandis que l'aspect bête est un petit peu en retrait actuellement, puisque elle offre un gros burst, ce qu'on appelle un burst, donc quand on lâche à peu près quand on envoie du bois, si vous voulez, elle dispose donc d'un gros burst au départ, puis après, une fois que le burst est terminé, ça va dire c'est un petit peu mitigé, puisque ça devient très rébarbatif, puisque on a à peu près trois touches à appuyer pendant 5 minutes, ce qui est très déplaisant, je trouve, pour moi en raid. Donc ensuite, comme toutes les classes, vous avez donc accès à des métiers de chasseur. Le chasseur peut disposer donc, bien entendu, de deux métiers principaux. On va dire que les métiers les plus conseillés par rapport aux chasseurs sont les métiers du dépeçage et le métier du travail du cuir. Pourquoi? Simplement parce que le dépeçage, vu que vous tuez des bêtes, vous pouvez les dépecer ensuite. Le chasseur est, on va dire, à la base fait pour tuer des bêtes, hein, c'est un chasseur. Et chaque métier, faut savoir que niveau maximum offre un bonus, on va dire passif, à une certaine caractéristique. Pour les dépeçages, c'est le bonus au coup critique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le bonus au coup critique est quelque chose d'assez recherché, en tout cas pour la classe chasseur. Donc c'est bien de faire ça. Et aussi pourquoi le dépeçage? Parce que le deuxième métier, qui est le travail du cuir. Le dépeçage, en dépeçant les bêtes, vous récolterez du cuir, ce qui est la matière première pour le travail du cuir. Le travail du cuir est bien puisque vous pouvez donc crafter des objets en cuir ou en maille, ce qui est bien entendu l'équipement du chasseur, la maille. Donc l'avantage de pouvoir crafter soi-même son équipement, c'est que quand il nous manque quelque chose, on peut à peu près tout faire, en tout cas pour les niveaux intermédiaires. Au niveau supérieur, ça commence à coûter un peu cher. Et le travail du cuir permet à la personne qui le fait de pouvoir se faire lui-même des améliorations d'armure, un petit peu comme des enchantements si vous voulez, des renforts d'armure et des armures de jambes à un prix beaucoup, beaucoup, beaucoup moins important que ce qu'on pourrait faire pour les autres personnes. C'est-à-dire que par exemple, je donne un exemple, un renfort d'armure de jambes qui augmente de 75 la puissance d'attaque et de 20 le coup critique, je crois. Si vous voulez le faire par un travailleur du cuir, ça vous en coûtera pas mal de pots qui sont assez chers. Tandis que le chasseur, pour lui-même, ça va lui coûter, par exemple, deux fourrures arctiques, c'est un exemple, et ils peuvent se le faire à lui-même, uniquement. Donc moi, c'est les deux métiers que je conseille. Ensuite, il y a des métiers qui sont pas mal pour le chasseur également, qui sont l'enchantement. L'enchantement parce que il y a des bonus pour certaines pièces qui sont pas mal et aussi la joaillerie. Après, l'ingénierie est pas mal non plus pour certaines lunettes, certains casques, on va dire, sous forme de lunettes qui sont pas mal au niveau des stats. Mais bon, moi je reste sur. Je vous conseille de faire d'épaisseur travailleur du cuir si vous voulez monter votre chasseur. Comme ça, vous pouvez vous faire aussi pas mal d'argent puisque la revente marche bien. L'avantage que vous aurez avec le chasseur par rapport au leveling, donc votre montée en niveau, c'est que vous pouvez très bien le faire quasiment tout du long, tout seul, on va dire en dehors des instances. C'est une classe qui se débrouille très bien, puisqu'à partir du niveau 10, vous avez la faculté d'apprivoiser un familier lors d'une quête qui vous est proposée avec un entraînement via divers apprivoisements de pets. Et ensuite, bah, vous remarquerez que c'est très très pratique d'avoir un pet, puisque la classe chasseur est censée rester donc à distance pour faire ses dégâts. Le chasseur au corps à corps ne vaut plus grand-chose puisqu'il n'est pas capable de faire assez de dégâts ou de se défendre correctement, en tout cas dans les niveaux inférieurs. L'avantage d'avoir un familier, ça vous permettra de rester à distance, de forcer entre guillemets votre cible à rester à distance de vous grâce à votre familier qui va un petit peu la garder au corps à corps. C'est quelque chose qu'il faut absolument savoir, c'est qu'il faut à tout prix rester à distance pour pouvoir entre guillemets faire plus de dégâts et être victorieux sur votre cible. Votre pet, vous l'aurez dans les trois spécialisations que vous avez. Donc, comme chaque classe, vous disposez de trois spécialisations qui sont donc dans l'ordre la spécialisation maîtrise des bêtes, la spécialisation précision et la spécialisation survie. Les trois spécialisations, on va dire qu'à la base, sont très différentes pour les niveaux inférieurs, de nouveau. Ensuite, à haut niveau, on va dire qu'il y a des différences, mais que le résultat est un petit peu le même. Donc pour l'aspect bête, la spécialisation maîtrise des bêtes, c'est entre guillemets vous et votre familier. Votre familier prend une importance un peu supérieure par rapport aux autres spécialisations, par rapport aux dégâts qu'il va infliger, par rapport aux sorts spéciaux que vous aurez via ce pet. C'est, on va dire, une spécialisation qui est très bien pour monter en niveau. Puisque l'avantage, c'est que votre pet faisant plus de dégâts va pouvoir garder entre guillemets, l'ennemi vers lui plus longtemps, ce qui vous permettra donc de faire un DPS tranquillement sans forcément reprendre la menace sur votre pet. Plus vous montrez, plus vous vous rendez compte que c'est une spécialisation qui est un petit peu barbante. Puisque à haut niveau, une fois que vous avez lancé ce qu'on appelle un des derniers sorts qui est le courroux bestial, qui vous permet de rentrer dans une rage bestiale en fait, où vous êtes insensible à tout et que vous faites très mal, une fois que ça s'est passé, vous faites plus grand chose. C'est-à-dire que vous tirez normalement, vous avez plus beaucoup de sorts spéciaux, et voilà, c'est pas très très intéressant, surtout que depuis quelques temps, la spécialisation des bêtes est devenue un petit peu obsolète. D'ailleurs, on m'a dit dans mon oreillette qu'on demanderait aux développeurs de rendre cette spécialisation un peu plus intéressante. Merci. Donc voilà, ensuite, la spécialisation précision, qui a été longtemps définie comme la spécialisation un petit peu casuale et la plus viable pour à peu près tous les types de jeux, que ce soit le leveling, on va dire le leveling à haut niveau. Un petit peu moins que la spécialisation des bêtes. Par contre, au niveau PVP, donc en champ de bataille, et au niveau des raids ou des instances, c'est une spécialisation qui est très intéressante, puisqu'elle vous permet de faire très mal, d'avoir des coups qui font beaucoup de dégâts, d'avoir une constance de dégâts sur la durée qui est pas du tout négligeable. Donc sinon, donc cette spécialisation reste quelque chose de, on va dire, de très intéressant puisqu'elle permet, en guillemets, de gérer, d'avoir une gestion de la cible qui est pas du tout négligeable non plus, puisque vous avez donc pas mal de sorts supplémentaires. Vous avez la possibilité à haut niveau, à cette fois-ci, d'avoir certains sorts très très pratiques comme un sort qui s'appelle la promptitude, qui permet de recharger en fait tous les sorts du chasseur, ce qui vous permet entre guillemets de réeffectuer une deuxième fois tout votre cycle de kiting, de DPS ou quoi. Ensuite vient l'aspect survie, qui est une spécialisation qui a été beaucoup modifiée, on va dire, depuis le début de la classe chasseur, puisque c'est une spécialisation qui, on va dire, est vouée presque uniquement à des chasseurs qui sont bien équipés, c'est-à-dire des chasseurs qui font donc des instances haut niveau, qui permettent d'avoir un très bon DPS, un très bon dégât, qui permet d'avoir pas mal de sorts très intéressants aussi en PvP, mais qui demandent malheureusement d'avoir un équipement assez conséquent par rapport aux statistiques demandées en fait, puisque chaque spécialisation va en guillemets requérir un certain taux de statistiques dans le chasseur. Alors le chasseur, comme toute classe, a besoin de certaines statistiques qui sont disposées dans le jeu. Donc, je vais vous citer les principales. Le chasseur, à l'heure actuelle, a besoin en principal des statistiques de puissance d'attaque, des statistiques d'agilité, des statistiques. Ça, c'est quelque chose qui a été changé depuis quelque temps, mais c'est vrai que l'intelligence et l'esprit au début du jeu étaient assez importantes puisque ça rajoutait de la mana et de la régène mana, puisque le chasseur est une classe à mana. Mais vraiment, à l'heure actuelle, les deux vraiment principales statistiques dont vous aurez besoin, c'est l'agilité et la puissance d'attaque. Ensuite viennent d'autres comme l'endurance qui augmente donc les points de vie, ce qui est indispensable pour le PVP, un petit peu moins en PVE. La force, vous en aurez sur les pièces quand vous ferez du leveling jusqu'au niveau 60, voire jusqu'au niveau 70, vous aurez des statistiques de force, ce qui n'est plus à l'heure actuelle indispensable du tout, puisque l'agilité pallie au manque de statistiques force, puisque la force augmente la puissance d'attaque au corps à corps. Alors, au corps à corps, c'était jusqu'au niveau 60. Elle a augmenté ensuite, ça a été rajouté pour que la force augmente également la puissance d'attaque à distance, mais c'était pas suffisant. Ensuite, il y a les bonus aux dégâts des sorts. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu spécial. Là, je m'adresse plutôt aux chasseurs qui font du PVP, puisque j'ai pu remarquer qu'à haut niveau dans le PVP, surtout en arène, le bonus aux dégâts des sorts était, voire à la pénétration des sorts, était utilisé. Surtout au niveau du certissage des équipements. Pourquoi? Puisque le chasseur est une classe qui bénéficie bien entendu des pièges et de certains coups magiques. Donc les flèches, comme par exemple en spé précision, en spé survie du tir explosif, de la flèche noire et de certaines morsures de serpents, de vipères, etc. Ce sont donc des coups qui sont liés aux écoles de magie. Donc les pièges, par exemple, avec un bonus aux dégâts des sorts, vont voir leur puissance de dégâts augmenter. Et certains coups, à distance, vont faire plus mal à certaines classes qui ont une résistance aux écoles de magie, par exemple. Après, ça reste obsolète. Il faut vraiment être à haut niveau de JCJ pour en avoir besoin. Ensuite, il y a bien entendu la statistique d'armure sur le chasseur, qui sera quelque chose qui sera automatiquement, on va dire, à niveau. Si vous avez des pièces PVE, vous aurez beaucoup d'armure. Si vous avez des pièces PVP, vous en aurez encore plus. Mais de toute façon, toutes les classes bénéficient d'armure. Et puis, une dernière statistique qui, on va dire, vient s'ajouter à celle de l'agilité, c'est le pourcentage de coups critiques. Donc, c'est une statistique simple qui donc n'augmente que les pourcentages de coups critiques au corps à corps et à distance, qui est recherché donc en PVP et en PVE, mais on va dire qui à l'heure actuelle se voit remplacé par l'agilité quand même. Mais il y en a quand même sur la plupart des pièces ou par rapport aux améliorations d'armure. Donc le chasseur, si vous voulez faire la classe chasseur, on vous dira, les anciens vous diront, oh oui, tu es chasseur, t'as pas besoin qu'on te prête des pièces d'or, de toute façon. T'es une classe farmer. Alors c'est vrai en gros que le chasseur c'est très pratique pour farmer, c'est-à-dire faire tuer en chaîne des mobs et etc. pour gagner des PO. C'est vrai puisque c'est une classe qui en guillemets peut régénérer sa mana très rapidement, peut tirer à distance, donc prendre beaucoup de monstres en même temps. Moi je me souviens par exemple qu'au niveau 60 je prenais 3-4 mobs tout seul puisque je pouvais en piéger certains, laisser mon animal de compagnie sur un autre et m'occuper de faire du kiting sur un troisième, etc. C'est très pratique, mais bon, je pense qu'à l'heure actuelle il a été supplanté par pas mal de classes, mais ça reste une bonne classe solo, hein, comme je disais. Au niveau du pet en PvE, qu'est-ce qui est à privilégier en fait comme pet? Bah alors pour les pets, ça tombe bien que tu me poses la question JP, puisque j'allais parler tout à l'heure, je vais le faire maintenant, d'un site par rapport donc aux pets chasseurs qui est très bien, dont on a parlé lors d'un épisode précédent qui s'appelle le site Zuwo. Vous le trouverez normalement dans les liens des émissions précédentes, je pense qu'on le remettra à jour dans cette émission là. Les pets, vous avez trois catégories de pets pour les chasseurs. Trois catégories, on va dire pas trois types de pets, puisque les types de pets, vous avez en fait vous avez beaucoup de types de pets différents qui vont des oiseaux, vous avez des ours, des loups, vous avez des félins, vous avez des crabes, vous avez un peu de tout en fait, tous les animaux, tout ce qui est ce qui porte donc la définition d'animal, de bête dans le jeu, vous pouvez l'apprivoiser. Ensuite, justement, il faut savoir ce que vous voulez apprivoiser. Je conseillerais aux chasseurs, comme ça déjà directement, d'apprivoiser, si vous êtes un chasseur allianceux, par exemple F de la nuit, un certain exemple, vous pouvez apprivoiser, je pense, plutôt les félins au début, puisque les félins, c'est assez pratique, ça tape bien. Ensuite, un pet qui est très appréciable aussi, c'est les ours, puisque les ours, on appelle ça des containers, puisqu'ils mangent de tout. Parce que le seul désavantage d'un chasseur, c'est quand il a un familier, il faut le nourrir. Ça, vous en rendrez compte assez rapidement. Mais les pets, il y a trois types de pets. Les pets qui sont dans la catégorie férocité, la ténacité et la ruse. Alors ça devient très pratique puisque votre pet va bénéficier d'un arbre de talent personnalisé. L'avantage de cet arbre de talent, justement, c'est que vous pourrez avoir un petit peu des bonus grâce à votre familier. Que ce soit pour le PVP ou pour le PVE, voire pour le PVE solo. Et justement pour EP, je pense conseiller, je pense rester sur tout ce qui est félin, loup ou ours, parce que ils sont très simples entre guillemets d'utilisation. Ils ont des talents tout à fait honorables, des talents passifs qui ont été rajoutés lors de la 1.7, lors de la grosse modification que je vous ai citée tout à l'heure. Les pets qui sont donc dans la branche férocité vont être en fait des pets qui vont avoir beaucoup plus de bonus aux dégâts. C'est-à-dire que, par exemple, soit en leveling, quand vous faites du leveling avec un pet qui est dans la branche férocité, il va faire un peu plus mal. Il va être un petit peu moins résistant plus vous allez monter en niveau qu'un pet qui serait d'une autre branche. Mais c'est très pratique pour tuer rapidement son ennemi. Puisque ces pets bénéficient souvent du buff de célérité, c'est-à-dire c'est une compétence qui leur permet d'aller beaucoup plus vite, donc de garder un petit peu la cible au corps à corps, tandis que vous pouvez rester à distance. Ensuite, il y a les pets de la catégorie ténacité. Donc ténacité, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est des pets qui sont beaucoup plus résistants. Qui vont peut-être mettre moins cher, mais qui vont mourir moins vite. Donc, ce qui est pas mal aussi pour le leveling, mais je pense que ces pets seront plus viables dans un aspect PVP pour la suite. Ensuite, il y a les pets qui sont dans la catégorie ruse. Il y a beaucoup plus de volants, il y a les araignées, d'ailleurs moi j'utilise une araignée. En fait, ils vont faire pas forcément plus mal. Par contre, ils vont avoir à haut niveau des compétences qui vont être bénéfiques pour vous, surtout pour vous, donc le maître de ce pet là, qui vont permettre par exemple d'avoir un buff qui vous permet de rendre moins de dégâts, ou simplement de surtout contrôler la cible. Donc par exemple pour l'araignée, moi j'utilise un exemple, c'est qu'elle balance des filets, c'est que certains points de compétences vous pouvez les mettre pour que le familier étourdisse la cible. Il y a certains familiers qui peuvent silence la cible, c'est-à-dire l'empêcher d'envoyer des sorts, qui peuvent leur mettre des poisons. Ça c'est à peu près pour beaucoup de familiers, pas forcément dans la branche ruse, mais on va dire que les familles russes sont plus appuyées sur l'aide qu'ils apportent à leur maître. Ensuite, par rapport au PVP, je vous conseillerais donc plus les familiers Ténacité et Ruse, ce qui vous permettra de coupler avec une spécialisation, un exemple survie, qui vous permettra d'être plus résistant et de faire ce qu'on appelle plus facilement du kiting, de tenir sur la durée grâce à votre pet. Ensuite, si vous êtes bébête, bien entendu, n'importe quel pet peut être pratique. Je vous conseille plus les pets férocité, puisqu'ils ont déjà un bonus aux dégâts. Si encore ils sont plus puissants grâce à la spécialisation bête, ça risque d'être beaucoup plus agréable pour tuer un ennemi encore plus rapidement. Donc voilà, en résumé, pour faire du leveling, je vous conseille les félins, donc la plupart des sabres de givre, sabres dents de sabre, etc. Les ours, tout ce qui se rapporte à l'ours, puisque l'ours est assez résistant et mange de tout, donc c'est très pratique. Ensuite, à haut niveau, je vous conseille plus de axer votre familier sur votre type de jeu. Donc, si vous voulez jouer en PVP, prenez un pet qui est plus axé PVP. Si vous voulez jouer PVE, prenez un pet qui va plus faire de dégâts, l'un ou l'autre. Voilà, c'est vraiment selon votre style de jeu. Et pourquoi certains ils prennent des oiseaux? Alors, les oiseaux ont un avantage, c'est de premièrement pour pas mal d'entre eux, hein, je dis pas pour tous, c'est d'avoir une attaque à distance. Donc je dis par là, par exemple, c'est pas forcément considéré comme un oiseau, mais c'est un volant, c'est le serpent des vents. Le serpent des vents que vous pouvez trouver, je crois, à bas niveau aux 1000 pointes, si je me trompe pas, vers la zone de départ des taurennes, ou je ne sais pas pour les allianceux, mais en tout cas, même les allianceux peuvent s'y rendre. Hein. C'est l'avantage de par exemple d'avoir des attaques à distance, ce qui peut être pratique. Pour éviter qu'un mob ou un ennemi parte trop loin et soit hors d'attaque, donc de pouvoir gérer une menace directement sans avoir à lui foncer dessus. Certains, comme les chauves-souris, ont le silence. Donc l'avantage, c'est qu'ils peuvent donc ils n'ont pas vraiment de contrôle de foule, c'est-à-dire ils n'ont pas forcément des stuns ou quoi, mais ils ont surtout des poisons. Ils envoient des poisons, ils ont des silences qui les empêchent de caster. Mais personnellement, je déconseille un petit peu les volants. C'est personnel, mais pour ce qui est du PVP, je déconseille les volants. Et pour ce qui est du PVE, les dégâts qu'ils fournissent sont moindres que les spé férocité, sauf la guêpe et la phalène. Donc la guêpe qui est un volant qui peut aussi envoyer des poisons à la cible et qui fait assez mal. Mais bon, personnellement je préfère les familiers au sol puisqu'ils ont plus de statistiques de contrôle, etc. Ouais, sans compter en même temps du bordel qu'ils te font aussi quand ils attaquent, les volants, c'est horrible. Ouais, bon ça aussi ça, puis souvent ils restent très gros. C'est-à-dire que vous avez un familier volant, il reste assez gros. Une guêpe, elle est plus grosse qu'un nain. J'ai vu des nains qui ont des guêpes. On voit plus le familier que le gars, quoi. J'avais entendu dire justement qu'on utilisait les guêpes en PVP pour obscurcir en fait le champ de vision de l'adversaire. Alors à ce moment-là, je leur conseille de prendre un diablosaure. Donc ce qui sont un peu les dinosaures qu'on peut trouver à Ungoro. Que là, ils sont encore plus gros et surtout quand on passe en cours bestial sur format aspect, enfin for, sous spécialisation maîtrise des bêtes, deviennent des énormités et nous cachent le paysage. Mais c'est vrai que c'est un petit peu, c'est embêtant d'avoir un volant pour la simple et bonne raison que quand on veut faire par exemple un kiting ou par exemple on saute d'un pont dans une arène et le pet qui est au sol doit faire le tour. Bah, le volant, souvent, n'a pas besoin puisqu'il vous attaque à distance, donc il peut rester là où il est. C'est aussi un avantage. Donc, je vais revenir donc, par rapport au pet sur une caractéristique bien précise qui est uniquement disponible pour les talents de spécialisation bête, qui est accessible à partir du niveau 60. On appelle ça le 51e talent souvent, hein, mais c'est le dernier talent que vous pouvez avoir dans l'aspect bête, tout en bas. C'est le domptage de familiers exotiques. Donc à partir du niveau 60, en fait, vous pouvez dompter des familiers exotiques qui sont, entre guillemets, des bêtes élites. Ce que vous ne pouvez pas faire dans les autres spécialisations. Ça vous permet également, une fois que vous avez la barre de la spécialisation de votre bête, la barre de talent de votre bête, d'ajouter 4 points supplémentaires, hein, dans cette barre de talent. Ce qui est très pratique puisque les derniers talents des pets sont soit très bien pour le PVP, soit très bien pour le PVE puisqu'ils offrent des des buffs à la puissance d'attaque, au point de vie, etc. Enfin, c'est suivant quoi. Et ça m'amène au familier exotique. Familier exotique, en fait, ce qui m'a fait penser, c'est Amandine qui disait par rapport aux pets qui sont très chiants, c'est que on avait vu, quand c'est entré en compte à BC, on avait vu donc des chasseurs se balader avec par exemple des chiens du magma, qui sont ces espèces de un petit peu qui ressemblent à Chromagus ou à Uvuros qu'on pouvait trouver à Ombre Lune. Et ces pets-là avaient la fâcheuse tendance, quand ils marchaient, à faire trembler le sol. Donc un chasseur qui arrivait, on voyait tout, en fait, ça faisait trembler votre sol et c'était chiant pour tout le monde. Mais bon, cela passait, l'avantage d'avoir des pets élites, c'est que ces pets-là ont des compétences supplémentaires. Par exemple, à Wrath of the Lich King, vous avez, je crois qu'il y en a 5 à Wrath of the Lich King actuellement. Il y en a 2 qui ont été rajoutés récemment. Certains ont la possibilité d'envoyer une espèce d'éclat lunaire, un peu comme le druide, à distance. Tape un petit peu plus fort, un petit peu plus vite pour certains, sont soit plus résistants pour d'autres. La plupart des pets élites rares ont plus de points de vie, donc sont plus résistants. C'est pas mal pour le PVP, mais bon, ça reste cantonné aux spé bêtes, hein, malheureusement. On va dire que beaucoup de chasseurs ont fait une spé bête juste pour les avoir, parce que ce sont des animaux qui sont juste magnifiques au niveau de leur skin. Je compte par là Loknak, qu'on trouve au bassin de Cholazar, Gondria, qu'on peut trouver à Zuldrak, le nouvel ours, le nouvel esprit de bête, ours, qu'on peut trouver au Grisonne, et le roi Crush, qui est un espèce de diablosaure qu'on peut trouver au bassin de Chalazar, et Skull qu'on peut trouver au pic foudroyé. Donc ces pets là sont assez jolis. Pour certains, ils sont très durs à trouver, soit à dompter. Je pense notamment à Loknak et au roi Crush, les tous deux qu'on trouve à Chalazar. Mais on va dire que moi, par exemple, j'ai fait une spébête pour les avoir. Je les ai dans mon écurie, ben je peux pas les utiliser puisque je n'ai plus l'aspect bête, ce qui est un petit peu embêtant, et ce serait bien en fait qu'on puisse les avoir dans n'importe quel spé, même s'ils sont un peu moins puissants. Donc voilà, par rapport aux pets, le seul désavantage, on va dire, qui est lié aux chasseurs et ses pets, c'est qu'il faut les nourrir. Voilà, que quand on doit les ressusciter, ça coûte beaucoup de mana, mais sinon les pets restent en avantage par rapport aux chasseurs. Un avantage de base. Donc voilà, ça c'est tout pour les pets. Donc je vous conseille vivement, pour les chasseurs, même pendant votre phase de leveling, si vous recherchez des conseils par rapport aux pets que vous voulez avoir, moi je n'ai pas la science infuse par rapport à ça, c'est d'aller sur ce site Zuwo et de un petit peu parcourir le site, qui est très très bien fait. Donc on va passer un petit peu aux chasseurs haut niveau, enfin au niveau maximum. Et le style de jeu, on va partir sur le PVP déjà. Donc le PVP, donc le joueur contre joueur, le chasseur, on va dire c'est une classe qui a toutes ses chances contre la plupart des autres classes, une fois qu'il est bien joué. Donc là où je vous conseillais de apprendre et de vraiment vous habituer à jouer votre chasseur au meilleur de lui-même dès les bas niveaux, c'est principalement aussi pour le PVP. Pourquoi ? Parce qu'en 1 contre 1, le chasseur, voire même contre plusieurs ennemis, peut très bien s'en sortir s'il gère bien tous ses sorts. L'avantage du chasseur donc est de pouvoir garder une cible à distance, avec pas mal de sorts qui sont très pratiques. Des sorts qui vous permettent de devenir soit invulnérable pendant un court instant, soit les sorts de piège qui vous permettent donc de maîtriser une cible. L'avantage d'avoir le pet, c'est que le pet peut vous permettre soit de déranger la cible, soit de lui faire simplement du dégât. Et quand je dis qu'il a une chance contre toutes les cibles, c'est que en PVP champ de bataille, j'ai pu voir que beaucoup de gens se plaignaient que le chasseur était une vraie tourelle de guerre. Je dis pas le contraire, c'est que le chasseur, une fois qu'il est à distance, qu'il ne se fait pas embêter par des classes de corps à corps, et qu'il peut lancer ce qu'on appelle un cycle DPS, il fait très mal. Il fait quasiment les mêmes dégâts qu'en PVE, c'est-à-dire très mal. La plupart des gens qui ne s'en rendent pas compte tout de suite, qui se font taper dessus par un chasseur, ont très peu de chance s'ils ne sont pas soignés. Donc ça, en PVP, un chasseur, c'est une classe de soutien. la plupart du temps, donc une classe de soutien qui va se mettre en arrière au même endroit que les soigneurs ou les DPS magiques, et qui va donc faire également du dégât comme ça. Après, moi, je dis que le chasseur peut aussi très bien s'en sortir en étant au front, donc sur l'avant, pour justement embêter les healers d'en face, les soigneurs d'en face, pour placer des pièges, pour désorienter les cibles, etc., etc. Mais bon, ça, c'est mon avis, et à ce moment-là, il faut être soigné. Un chasseur qui est soigné en champ de bataille, c'est une machine de guerre, je l'avoue. C'est un peu comme un guerrier, un petit peu moins résistant, mais qui fait même plus mal qu'un guerrier. Donc ça, c'est mon avis, c'est par expérience que je le dis. Les chasseurs souvent se retrouvent dans les premiers, DPS d'un champ de bataille. Ensuite, pour ce qui est du PvP sauvage, un chasseur pareil va très bien s'en sortir du moment où il est un petit peu organisé avec lui-même. C'est-à-dire d'un moment où il ne faut pas paniquer, où il gère bien ses sorts. Il peut très bien contrôler beaucoup de cibles, il peut très bien faire beaucoup de dégâts rapidement. Le problème restant un petit peu la mana, bah, il faut gérer sa mana, il faut pouvoir régénérer, etc. On va dire, si vous avez besoin de conseils, je pense que beaucoup de topics sur les forums officiels ont été faits pour pas mal de questions, réponses. Et c'est très très intéressant suivant où. Si je trouve des bons topics, je vous les mettrai dans les notes de l'émission par rapport à ce dossier. Ensuite, si vous avez d'autres questions par rapport au PVP, bah, vous pouvez directement me les poser sur le forum, c'est pas un problème. Ensuite, je viens au chasseur PVP arène. Alors là, c'est un petit peu autre chose, puisque l'arène, c'est par équipe, le chasseur n'est pas tout seul. Et le chasseur, c'est une très bonne classe, il est avec un bon soigneur, par exemple en 2v2. C'est une très bonne classe de DPS à partir de la 3v3 et de la 5v5. Même pas forcément de soutien, hein, mais c'est une bonne classe de burst DPS qui fait très mal, qui peut en spé précision silence, donc c'est-à-dire empêcher de caster les cibles adverses, ou qui peut faire très mal sur une longue durée s'il a une spé survie par exemple. Je déconseille l'aspect bête, bien entendu. Pourquoi ? Parce que l'aspect bête est bien pour le premier burst, mais ensuite prend cher et ne fait plus trop mal. Mais on va dire c'est une classe qui a pas mal d'anti-classes. Donc j'entends par là le mage, qui est un peu une anti-classe du chasseur dans une arène, puisque un mage qui sait bien jouer avec ses cooldowns va vous gérer assez facilement, quoique, hein, il faut, si on est bon, on peut se débrouiller. Le voleur, qui est, on va dire, pour moi, la principale anti-classe du chasseur, puisqu'un voleur qui sait jouer en PVP va quasiment tout le temps garder le chasseur au corps à corps, et le chasseur au corps à corps ne fait pas grand chose. Après, je dirais peut-être les paladins, puisque les paladins sont résistants et sont résistants aux coups physiques, et vu que le chasseur fait des coups physiques à distance, bah, c'est un peu difficile. Vu que le paladin peut se permettre de se mettre par exemple une main de liberté, donc de ne pas être ralenti si facilement, ben peut facilement garder également un chasseur au corps à corps. Mais bon, en général, la classe chasseur est une classe viable à peu près sur tous les plans. Il faut juste vous entraîner, vraiment vous entraîner simplement à jouer votre façon de jouer. Il faut pas. Ce que je vous déconseille, c'est d'aller simplement copier une spécialisation de talent sur un chasseur qui est très bon par exemple, et de la jouer comme ça sans savoir pourquoi tel talent est dans quel est activé ou pas, parce que le basique du chasseur, c'est de jouer sa façon. Le chasseur peut être joué de plusieurs façons très bien, et je pense que ça peut tenir la route sur pas mal de plans. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je pense pas au niveau du PVP, non. PVP, non, enfin, moi c'est surtout au niveau chasseur en général. C'est vrai que le chasseur, faut aimer arriver. Enfin, c'est deux personnages qu'on joue en fait, ce n'est pas qu'un seul. Par rapport aux autres classes, c'est vrai que moi quand j'avais testé au début, je trouvais ça. Enfin, j'aimais pas trop en fait. Donc, il faut arriver à gérer donc, le côté distance en même temps ton familier. Ouais. Enfin, c'est là qu'on reconnaît le bon et le mauvais chasseur en fait en raid par exemple. Ouais, voilà. Bah, en fait, je vais dire très simple. Un bon chasseur, et c'est pas le truc des inconnus, hein. Un bon chasseur, c'est un chasseur qui ne va pas penser qu'à faire du dégât. Puisque le chasseur est une classe qui a beaucoup aussi de petits sorts pour embêter la cible adverse. C'est un chasseur qui va gérer sa cible. Non pas simplement la tuer, mais la gérer. C'est très important. c'est aussi une classe qui doit accepter le fait d'être constamment changée, parce que c'est une classe qui, tout au long du jeu, a été beaucoup changée. Par exemple, je cite simplement que le fait qu'au début de Burning Crusade, les chasseurs étaient monotouches. Enfin, monotouche, c'est une façon de parler. C'est une classe où il suffisait d'activer ses sorts les plus puissants en PvE pour faire des dégâts monumentaux, ce qui a été pas mal nerfé par la suite, hein. Ça, je l'admets, on a pris beaucoup de nerfs, ça fait mal au cœur quand on se prend des nerfs parce qu'on se dit voilà, il y a d'autres classes qui pourraient aussi en prendre, mais bon, c'est comme ça, on va pas jouer les ouin-ouin. C'est une classe qui, quand elle est arrivée au début de Wrath of the Lich King, il suffisait simplement de se mettre en spécialisation bête. Alors c'est vraiment le jour et la nuit avec maintenant, hein, pour faire énormément de dégâts en appuyant sur 3 touches. C'était un petit peu une aberration, hein, je le reconnais moi-même. Puis ça a été changé assez rapidement et vraiment même trop, puisque la spécialisation bête est devenue justement, comme je le disais avant, obsolète. Ce qui est un petit peu chiant, puisque c'est une spécialisation que je trouve qui pourrait être tout à fait intéressante à jouer et utile. Sauf qu'à l'heure actuelle, à la rigueur, peut-être en étant très très bien équipé, mais même, c'est plus très intéressant à jouer. Et à l'heure actuelle, c'est une classe qui est bien dans la balance. Sauf que, voilà, par exemple, le dernier patch 3.3.3, d'après les patch notes que j'ai pu voir, ils ont augmenté, un bonus de dégâts lié au pet pour la spécialisation bête, justement. Mais ça sert juste à rien, puisque personne ne prend cette spécialisation. Donc bon, voilà. Sinon, par rapport au haut niveau, j'admets qu'à l'heure actuelle, je ne fais plus énormément de PvE HL. Par contre, j'en ai fait beaucoup avant. Si vous avez des questions par rapport au gameplay, c'est-à-dire à la façon de jouer votre chasseur, on va dire au type d'enchantement, de certissage, tout ça, je ne vais pas tous vous les lister maintenant, puisque c'est quelque chose qui est un petit peu long et rébarbatif. C'est un peu comme pour toutes les classes, mais si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème. Par rapport au PVP, je pourrais peut-être plus vous aider sur le moment par rapport à votre classe, puisque c'est ce que je fais principalement, et je trouve que c'est pour moi une classe qui est devenue le contraire de monotouche, qui est très très intéressante à jouer, justement, et je vous invite franchement à tester. Alors, j'admets, comme je disais tout à l'heure, que pour le leveling, ça peut être même un peu rébarbatif, mais on peut tout à fait s'amuser avec le chasseur. Ensuite, il y aura un petit qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans le chasseur, pour ceux qui y ont joué, donc moi. Est-ce que vous, Amandine, Ludo, JP, vous avez joué chasseur ou pas? Moi, jusqu'au niveau 62, près Norfandra. D'accord. Et qu'est-ce que tu as trouvé sur le chasseur que tu aimes ou que tu n'aimes pas, par exemple? Ce que j'aime, c'est l'indépendance. C'est que tu fais tout. Enfin, t'as pas besoin d'un groupe. Même pour les élites, tout ça, y a aucun problème. T'envoies ton familier, tu le soignes, et pendant ce temps, tu bourrines à distance. Oui. Bah, c'est vrai que le familier, en spécialisation bête, ça devient très vite un Terminator. Hein. Ah oui, ça. Après, ce que j'aime pas, c'est. Enfin, moi, j'aime bien gérer que mon personnage, parce qu'il fallait gérer à la fois le familier et mon personnage. Donc, j'aime bien plutôt me focaliser sur la maîtrise de mon perso. Mm-hmm. Parce que tu le diriges qu'à moitié, on va dire, le familier. Parce que bon, les déplacements, c'est pas toi qui les dirige à 100% en quelque sorte. Tu dis où y aller, après c'est lui qui choisit la destination la plus rapide pour y aller. Et parfois, bah, il passe en plein milieu d'un gros groupe. Bon, oui, aussi, oui. Bah alors ça, normalement, je crois que, en tout cas pour les instances, le pet n'aggro plus au body pool. C'est-à-dire que le pet, normalement, ne fait plus d'accro tant qu'il ne génère pas de menace. Je crois. Hein, ça c'est pas bien. Mais ça a été mis alors que je ne faisais plus de PVE, donc je peux pas affirmer ça, mais je crois justement que ça a été modifié. Reste un petit désavantage par rapport aux chasseurs, c'est justement le fait qu'il faille acheter des flèches, donc ça coûte cher. Il faut acheter non seulement de la bouffe pour le pet, pour nous-mêmes, ça c'est une chose, de la bouffe pour la mana, et des flèches, donc c'est une classe qui, on va dire, coûte aussi cher quand même à jouer au bout d'un moment, parce que bah, quand on veut des flèches qui sont épiques, bah, le problème c'est qu'il faut bien entendu attraper les bonnes flèches qui coûtent cher, qui sont la plupart du temps fabriquées par les ingénieurs, et donc qui coûtent passablement cher. Voilà, puis moi j'avais bien aimé le côté un peu Pokémon, enfin pas Pokémon, c'est Tamagotchi plutôt, dans le sens où tu dois donner à manger à ton familier, il aime bien soit la viande, le poisson ou les fruits, les choses comme ça. Moi j'avais trouvé ça rigolo. Quand tu vas pêcher ou quoi, tu passes à ton petit familier, tu mets de côté. Je trouvais ça mignon. Ouais, alors, une modification qui a été faite aussi, d'ailleurs, par rapport à ça, je tiens à le préciser, c'est qu'avant, il y avait, on va dire, la loyauté du familier. C'est-à-dire que quand on apprivoise un familier, si on ne le nourrissait pas assez rapidement, si on ne prenait pas soin de lui au début, mais il n'était pas content. Et moins il était content, plus il avait des chances de se barrer, en fait. J'ai eu un pote, d'ailleurs, qui, en pleine instance, son familier s'est cassé. Il a disparu. Alors ça n'existe plus. Le familier est directement loyal, c'est directement votre meilleur ami, et donc il suffit juste de le soigner pour en fait de faire en sorte qu'il tape plus fort, puisqu'il y a trois stades. Il y a le stade pas content où il fait que 75% des dégâts, le stade normal où il fait 100% des dégâts, et le stade satisfait où il a bien été nourri, où à ce moment-là il fait, je crois, 120% des dégâts, je crois, un truc dans le genre. Et ça, c'est un truc qui a disparu au niveau de la loyauté, c'est juste ça. Donc aussi à dire, c'est que pour les petites histoires, c'est qu'avant, les familiers, suivant les familiers qu'on avait, ils tapaient plus ou moins vite. Et les familiers rares, comme par exemple Rakshiri, qui était un sabre de givre qu'on pouvait apprivoiser très difficilement au berceau de l'hiver, là où les allianceux peuvent faire leur quête pour avoir le tigre sabre de givre rapide, c'était un familier qui faisait très mal puisqu'il tapait très vite à une seconde. Et il y a eu ensuite une normalisation du dégât, de la rapidité de dégâts des pets, qui a été normalisée à 1 seconde 5, je crois. Donc il n'y a plus lieu forcément d'avoir un familier plus qu'un autre, en fait. Ensuite, on aime, on n'aime pas, je ne vais pas dire ça comme ça, mais dans ce que j'aime, moi, dans mon chasseur, par exemple, c'est que c'est vraiment une classe qui est en réapprentissage assez souvent. C'est-à-dire que quand il y a des modifications par rapport au talent, on a ce qu'on appelle donc un cycle DPS qui est assez conséquent par rapport au type de sort, du type de flèche, au type de sort qu'il faut envoyer, quand et comment. Ça se modifie assez souvent avec l'évolution dans une mise à jour ou souvent lors d'extensions, mais ça reste assez similaire pour l'instant. Par contre, comme on en a discuté dans l'épisode 10, il y aura une très très grosse modification de cette classe à Cataclysme, ça j'attends de voir. Que j'apprécie pas, on va dire, c'est un petit peu le côté délaissé par rapport à certains bugs. J'entends par là le bug des distances de tir. Donc moi j'ai souvent le fait que ça me marque dans ma barre de sort que une cible est à distance alors que je ne peux pas lui tirer dessus, par exemple, puisqu'elle est un petit peu dans une espèce de micro zone morte, malgré que ça a été supprimé ABC. Mais bon, ça reste encore viable. Il y a certains bugs par rapport au tir mortel, qui est un sort qu'on a, je crois, au niveau 78, si je ne me trompe pas, qui est une flèche qui fait énormément de dégâts quand la cible est en dessous de 20% de points de vie. Donc il y a un bug souvent par rapport à l'absorption, au bouclier d'absorption de certains ennemis, ou au fait que quand on tire la flèche et que la cible se trouve en dessous de 20% de vie, et que le temps que la flèche arrive, la cible s'est fait healer en dessus de 20%, les dégâts vont aux fraises. Et aussi, par exemple, au niveau des bugs de certains pets, parce qu'il y a eu pas mal de bugs de pets par rapport à certaines arènes où le pet était simplement buggé, où le pet n'attaque pas, il reste sur place, ne bouge pas, et c'est très très désagréable, puisque c'est une grosse perte de dégâts ou de contrôle par rapport aux cibles ennemies. Mais bon, ça, j'espère toujours que ça sera... Ce sera amélioré, mais bon, c'est un petit peu, je trouve, quand je vois, par exemple, sur certains patchs, qu'ils font des changements ou des corrections de bugs mineurs qui ne servent à rien, genre, oui, le lapin qui se trouve dans Goldshire, sous la ferbe, il disparaissait dans le sol, alors on va le faire revenir à la surface, oui, c'est bien, mais en même temps, à qui ça va servir, alors que certains bugs qui sont un petit peu, on va dire, un petit peu aberrants pour la classe chasseur ne sont pas corrigés. Moi, j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus une priorité. Après, bon, voilà, ou que certaines classes se voient apporter des modifications assez énormes et que le chasseur reste un petit peu délaissé pour compte. Voilà, c'est pour moi quelque chose qui devrait un petit peu passer devant. Mais bon, ça reste pour moi une classe que je continuerai à jouer. Je pense que je ne jouerai que cette classe jusqu'à ce que j'arrête WoW, ce qui n'est encore pas prévu. Et j'attends de voir pour la suite. Donc, en conclusion, ce que je pourrais dire, votre chasseur, c'est quelque chose que vous allez apprécier si vous le jouez à fond. C'est une classe qui donc permet d'apprendre d'apprendre, d'être apprise dès les premiers niveaux. C'est une classe qui est viable à peu près partout, comme je disais. Et franchement, ben, vive les chasseurs, quoi. Si vous voulez faire, tester, et donc pour toutes les questions, ben, contactez-moi sur le forum, il n'y a pas de souci. Notre expert chasseur.